Philippe, tu vas faire les courses, s'il te plaît? J'ai invité les voisins à dîner ce soir. Oui, qu'est-ce que je dois prendre? Du jambon, des pommes de terre, un melon, de la salade et pour la tarte des cerises. Je n'aime pas la tarte, je préfère la glace. D'accord, achète aussi de la glace. Tu as fait la liste? Attends, je répète. Du jambon, des pommes de terre, un melon, de la salade, des cerises et de la glace. C'est tout? Oui, c'est tout. Vas-y tout de suite!